Papa nandimie kenyoso na senga kiyo osio pesi ngai. Nazako zela kaka yangwe kukisama. Loba seli loba moko zambe. Momo inangai yeko bongwana. Yo sala kimo kili oyo. Nani loba na yo zambe. Loba seli loba moko, momo inanga yeko bongwana, yo sala kimo kili oyo. Na liloba na yo nzambe, disel ma emo Jésus, ma vie sera changée. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Loba na na bika, yeah, yeah, yeah. Loba seli loba moko, nyonso eko bonga. Salela ngai ngonu na yo nkolo na ngai. Dis-moi et moi, tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Follow back, il a salo, assez quoi, qui? Mon épée, mi pépé, tout ça qui m'ongongo na yo. Na ekulusu yo ganga ki nyonso eko kisami. Tika enge salame langa ina bombo ina yae. Oh Jésus, loba seli loba moko. Bombo ina ngai eko bongwa na Yesu ee. Sur la croix de Calvaire, tu as crié, tout est accompli. Laisse que cette parole fasse son effet dans ma vie. Loba na na bika, loba seli loba moko, nyonso eko bonga. Salela ngai ngonu na yo nkolo na ngai. Fais-moi aimer, tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Ce monde n'avait pas de sens, sans forme et vide. Par ta parole créatrice, et la forme a été remplie. Mokili ezala ki pamba, ezanga ki lolenge. Na liloba na yo mokeli, etonda ki bezwa ki lolenge. Yesu masia, loba pona ngai. Nabika, nabika, nabika, yeah. Loba seli loba moko, nyonso eko bonga. Salela ngai ngonu na yo nkolo na ngai. Dis-moi aimer, tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Nzambe na nguya, nzambe na kembo papa eh. Na pasoli motema na ngao, na kobelela yo. Yo kela ngai mawe ah, yo ya nona nga papa Loba seli loba moko, non nyonso ekoma papa salela salela ekoma na disisa mako tuse wa chanje fais-moi ta grâce mon Dieu mon voyage aussi vini fais-moi ta grâce yo passe liloba moko nyonso ekobonga salela ngai ngolu na yo nkolo na ngai diselma emo tout se va changer.